Salut à tous et bienvenue pour le Foulia Champions Podcast consacré aux huitièmes de finale aller de la Coupe aux grandes oreilles. Pour commencer ce podcast, nous avons droit à deux invités 5 étoiles. Pour parler Atlético, Marlena Augusto, bonsoir. Bonsoir. Et en plus, on t'a mis Joaquin Sabina pour le limite du centenaire pour démarrer ce podcast. Et Geoffrey Prinlan, journaliste France Football, c'est bien ça? Alors salut FM, salut Marlène. J'étais à France Foot, là après je suis passé à RMC, là depuis je suis à Eurosport en partenariat aussi avec la Ampige, avec la BBC, avec Sky Italia aussi un petit peu. Alors, sur la 5, première ligue. Je dis 5 étoiles mais c'est platine en fait. D'accord. Enfin, moi à côté je suis vraiment. Mais attends, grosse qualité, tu es secrétaire de la seule peña de l'Atlético en France. Ah oui, quand même. Et en plus, tu es des Bouches-du-Rhône, tu habites dans les Bouches-du-Rhône, c'est merveilleux. Voilà. Ouais, grand, c'est la qualité. Voilà, c'est le réseau Fouria Liga. Il y en a la moitié qui est de Marseille, mais bon, voilà, c'est très bien. On va commencer avec l'Atlético, puisqu'il y a eu un match vendredi contre Valencia Mestalla. Match particulier puisque l'Atlético a mené deux fois au score avant d'être remonté à deux reprises par Gabriel Paulista et Geoffrey Kondogbia. Comment tu vois l'équipe de l'Atlético à l'heure actuelle, Marlène? Certains disent que c'est une fin de cycle, mais c'est au moins un cycle descendant pour le cholisme, ou est-ce que tu vois un regain pour la Ligue des Champions? Alors là, on peut plutôt parler de, comme le dit souvent El Cholo, d'une année de transition. On a eu beaucoup, beaucoup de départs clés, de joueurs très importants qui à la fois par leur apport pour l'équipe, mais aussi pour tout ce qu'ils incarnaient pour le club, quoi, pour les valeurs, tout ça. Donc je pense notamment à Diego Godin, à Felipe Luis, malgré tout à Griezmann. Lucas Hernandez aussi, enfin voilà, ça fait beaucoup de départs de joueurs clés. Donc là, on est quand même dans une année assez compliquée. On a eu l'arrivée de pas mal de joueurs, enfin tout a été un petit peu chamboulé. Donc ouais, on parle d'un peu d'année de transition. Donc voilà, aux joueurs aussi à s'adapter aussi, pas même particulier d'El Cholo. Donc bon, tout ça c'est pas facile non plus. Donc il y a aussi cette année, elle est assez marquée aussi par beaucoup de blessures. Donc Koke, Costa, João Félix, Trippier, ça fait quand même pas mal de blessés. On n'a pas un banc très riche. C'est assez compliqué. On fait beaucoup appel à la cantera, donc les jeunes. Donc on est assez limité en fait. On est assez limité, donc c'est très compliqué pour nous. Bon. Donc voilà, par ce renouveau et aussi par le choix limité de joueurs, ça s'annonce quand même assez compliqué. Donc bon, voilà. Mais cycle descendant, je sais pas, moi, il y a beaucoup de fans qui réclament le départ d'El Cholo parce qu'ils ont besoin de renouveau. Ils sentent que bon voilà, c'est une phase qui est terminée, qu'il faut changer, qu'il a fait son temps. Moi, je peux partager parce que c'est vrai que bon, voilà, il fait un peu avec ce qu'il a, quoi, donc il y a quand même beaucoup de changements. Je lui fais confiance quand même, mais c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Mais bon, oui, beaucoup réclament son départ. Moi, je suis un peu partagée. Il y a des fois des choix tactiques que je comprends pas. Des fois, il insiste avec des joueurs qui, pour moi, bon, voilà, ils n'ont pas leur place. Mais bon. Je lui fais confiance et puis on verra la double confrontation, ce que ça va donner. C'est sûr que oui, ça aura, enfin, selon le résultat, ben, ça va avoir des conséquences. Après, je pense que le staff et l'équipe font confiance. Mais bon, du côté supporter, c'est quand même assez partagé. Donc voilà. Alors, je signale que tu es actuellement à Madrid parce que tu vas voir le match ce soir, puisqu'on est mardi. Demain. Non, on est mardi. Non, vous me faites peur là. Non. Oui, bon, voilà. On va pas faire mystère. On va faire mystère, c'est lundi soir et ce sera publié. Donc, c'est publié mardi, évidemment. Geoffrey, un petit mot sur Trippier. parce qu'on en parlait, il est blessé, donc il ne va pas jouer. Est-ce que c'était son départ, était, son arrivée à Madrid a surpris un petit peu, parce que il n'y a pas eu masse de joueurs anglais qui sont partis en Espagne. Bon, on pense évidemment à Gary Lineker au Barça, et puis McManaman que j'adorais au Real Madrid, et Beckham. Mais c'est vrai que généralement, les Anglais, ils vont plutôt à Majorque, à Ibiza et à Benidorm que jouer au foot, quoi. Bah ouais, les Anglais, les Britanniques, de toute façon, en général, déjà sont très conservateurs et restent évidemment dans leur pays, qui chérissent plus que tout. Hein. Pour eux, l'Angleterre, c'est tout. Et puis l'Angleterre, au niveau du football, c'est exactement pareil. J'avoue que ce départ, moi, j'ai été très surpris, moi, déjà personnellement. Quand j'ai reçu, on va dire, la notification sur mon téléphone que Trippier allait à l'Atlético, je me suis dit que ça devait être un bug. Et en fait, pas du tout. Surtout que quand Pochettino était là, c'était un de ses cadres, même si ça faisait quand même, il n'était pas à Tottenham depuis quand même belle lurette. Enfin, je crois qu'il est arrivé à Tottenham à partir de 2015. Mais c'était un cadre, en tout cas c'était un titulaire en puissance. Il était évidemment devant Serge Aurier. Il sortait en plus de 2018-2019 d'une énorme Coupe du Monde avec l'Angleterre. Et finalement, le voir partir comme ça, même les supporters de Tottenham, j'ai pu aussi discuter certains avec eux quand j'étais à Londres il n'y a pas si longtemps. Et puis des journalistes aussi basés là-bas qui suivent les Spurs n'ont pas trop compris. Mais ça venait un petit peu d'une politique où ils pouvaient un petit peu se faire de l'argent sur pas mal de joueurs, et ils se sont dit quitte à sacrifier, on va sacrifier certains joueurs en tout cas derrière. Trippier est parti. Je pensais que l'environnement évidemment espagnol, qui est complètement différent de l'environnement évidemment britannique, un petit peu allait jouer contre lui. En fait, pas du tout. Il s'est mis tout de suite au diapason. Je le voyais vraiment derrière Santiago Arias. En tout cas, à son arrivée. Et puis, en fait, pas du tout. Diego Simeone a eu plusieurs entretiens avec lui. Et puis, d'ailleurs, Trippier avait sorti une interview sur le site d'Atletico il n'y a pas si longtemps, comme quoi il avait compris tous les préceptes de l'Atletico et du Cholismo, justement, surtout défensif. Et il il régale. Alors oui, évidemment, la blessure de Trippier va un petit peu jouer contre l'Atlético, surtout qu'il peut donner pas mal d'informations, évidemment, même s'il il va le faire, même s'il ne sera pas sur la pelouse, mais il va donner pas mal d'informations un petit peu sur ce football qu'il connaît bien, sur ce football britannique et surtout le football de Liverpool, qui est quand même assez atypique et surtout très très performant. Mais oui, en tout cas, ça a surpris en Angleterre, ça c'est sûr. Alors, on va parler du 4-4-2 à plat, inamovible du Cholo Simeone. Marlène, comment tu le vois ? Parce qu'effectivement, tu l'as dit, il y a beaucoup, beaucoup d'absents. Est-ce que toi, par exemple, tu vois Lodi titulaire à latéral gauche, ou est-ce que Saúl Ñíguez va le remplacer, histoire d'assurer le coup, parce que c'est quand même un très gros match et que Saúl Ñíguez, il a quand même beaucoup plus d'expérience que Lodi. Est-ce que ça va bouger des choses au milieu de terrain, sachant que aussi devant… on ne sait pas trop qui va être titulaire. Morata est rentré en cours de match à Mestalla. Il a d'ailleurs failli marquer un but, mais Jaume Domenech l'a arrêté, comme dirait l'autre. Et donc, c'est un gros morceau, quoi. Se prendre Liverpool en 8e quand on n'est pas au top de sa confiance. L'année dernière, il y avait eu la Juve, mais le match aller avait été brillantissime, d'ailleurs. Alors là… Tu m'en poses une colle, là ça va être un peu, je sais pas trop comment on va se, je sais pas quel choix avec ce qu'on a et comment les affronter. Honnêtement, je pense que ça va être, je sais pas trop comment qu'est-ce qu'il va nous présenter, mais oui, je pense qu'il va jouer sur l'expérience et sera titulaire, je pense. Après, au niveau de l'attaque, j'ai bien envie de voir, je me demande comment ça va se présenter. Mais j'ai cette année l'attaque c'est pas tip top, donc offensivement c'est assez faible, donc milieu offensif pareil, ça balance pas devant, donc on est assez limité, donc la défense ça va, mais au niveau de l'attaque je sais pas honnêtement, de ce côté-là, je suis un peu inquiète, quoi. Il y a un joueur qui revient bien, c'est Koker de Selección, et puis il y a Thomas Partey. Alors moi, je suis un grand fan de Thomas Partey depuis des années. Ah, vraiment, ultra fan. Bon, il nous a fait un peu mal vendredi soir. Super beau but. Ah, mais c'est un joueur magnifique, Thomas Partey. Et avec Koke qui revient bien, ça peut être une des clés du match. C'est vrai que depuis que Koke est revenu, alors il y avait aussi voilà, des avis un peu divergents par rapport à son apport. C'est vrai que bon, il a eu des périodes un peu mollassonnes, quoi. Mais en fait, on a vu que pendant sa période de blessure, là, il manquait pas mal, quoi, dans la création du jeu, tout ça. Et depuis qu'il est revenu, c'est vrai que ça va beaucoup mieux quand même. Hein, donc, c'est quand même un pilier, ça. Il fait partie des piliers. Donc, c'est vrai que quand il n'est pas là, ça manque, quoi. On le voit. Hein. Geoffrey, en face, Liverpool est au complet. Liverpool est plus en confiance que ça, ce serait indécent. En plus, ils ont le match retour à Anfield. Ils sont ultra favoris. Et c'est marrant comme le foot va vite, parce que tu serais venu 2 ans en arrière, l'Atlético aurait été favori. Complètement, et là, et 2 ans après, bah, t'as une équipe qui est championne d'Europe et qui marche sur la première ligue. Donc, Mais nous, ça nous. On ça aime vous va bien. On aime pas avoir la position d'outsider parce que. On aime ça parce que nous, ça nous rend. Voilà, on n'a plus rien à perdre et on sait très bien qu'on n'est pas favori, pas du tout. Donc, mais nous, ça nous fait finalement, cette position nous va bien. Donc, je pense que. Je pense que c'est pas plus mal. Enfin, c'est pas plus mal de les avoir tirés finalement, parce que de toute façon c'est avec des champions, donc il faut bien, pour aller au top, faut bien battre les meilleurs. Mais je suis pas sûre qu'on aurait plus de temps face à des équipes plus faibles, face à la Jarre, qui d'autres. Mais bon, on se tape le plus gros, c'est vrai, mais est-ce que ça va pas nous sortir de notre zone de confort, justement, et est-ce que c'est pas ce qu'il nous faut, parce que par exemple on a bien vu qu'en Liga on a eu des difficultés face à des faibles, alors qu'en super super coupe d'Espagne on a quand même montré un visage différent. On était même face au Barça et au Real en Liga, on a quand même montré des belles choses. Donc je pense que ça va nous faire sortir un peu de... Voilà, ça va nous faire nous dépasser, quoi. Donc, cette position d'outsider, je pense que ça peut être bénéfique, quoi. Geoffrey, comment tu vois attaquer l'équipe de Klopp ? Est-ce que ça va être... On est à l'extérieur, il y a un match aller-retour, on joue à Anfield ensuite. Est-ce que ça va y aller tranquille ou est-ce que ça va accélérer directement ? Je t'avoue que je ne vais pas mentir, la première ligue, je regarde pour ainsi dire jamais. Donc vraiment, c'est le nouveau football à la mode, le kloppisme. C'est différent de ce qu'on a en Espagne la plupart du temps. En quoi le rythme que peut imposer Liverpool peut gêner les joueurs du Cholo, sachant que les joueurs du Cholo ne vont pas hésiter à leur rentrer dedans? Ah bah, et puis de toute façon, il ne faut surtout pas qu'ils hésitent à rentrer dedans, parce qu'en tout cas, le Klopp, il va pas en tout cas attaquer ce match d'une manière, on va dire, assez prudente. On va voir un petit peu ce que va faire en tout cas l'Atlético à domicile. Non, il va être fidèle à ses principes, c'est-à-dire faire son football, on va dire, de heavy metal, comme il dit. Donc, c'est-à-dire soit se projeter, évidemment, gicler très vite vers l'avant avec les transitions absolument fantastiques, ou alors... Il va plus avoir la possession et puis il fait essayer de faire craquer et d'étouffer un petit peu cette équipe de l'Atlético. Après, c'est vrai que Liverpool est à l'extérieur, donc on peut peut-être voir peut-être 10-15 minutes de round d'observation. Mais en tout cas, c'est sûr que Liverpool va jouer à sa manière et ne va pas calculer face à une formation de l'Atlético. C'est vrai qui est un petit peu en dedans par rapport aux autres années. Mais en tout cas, l'Atlético a plusieurs armes et peut en tout cas faire douter cette équipe de Liverpool, et heureusement d'ailleurs, et notamment, je pense, dans le dos en tout cas des latéraux de Liverpool, qui montent évidemment très très haut, Alexander Arnold et Robinson. Robertson, pardon. Je pense que c'est une arme à exploiter du côté de Simonet. Alors après, à voir qui va jouer, en tout cas sur les ailes, en tout cas du 4-4-2 du Cholo. Est-ce que ça va être quelqu'un vraiment de rapide et technique comme Correa ou quelqu'un, on va dire, de plus posé comme Coquet, je ne sais pas. En tout cas, il y a ces armes-là à saisir du côté de l'Atlético, et je pense que de toute façon Simonet ne va pas s'en priver. Et Marlène a raison. En tout cas. L'Atlético est évidemment outsider de cette rencontre, Liverpool favori tout court à sa succession, parce que quand on voit un petit peu la forme qui dégage, que ce soit sur la scène européenne ou même en Premier League, c'est les favoris numéro un à leur propre succession. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire du côté de l'Atlético, et surtout la Liga, la Premier League et la Ligue des Champions, ce sont des compétitions complètement différentes dans un autre contexte, comme pareil quand on parle de Dortmund et du PSG, et puis le PSG avec son match nul à Amiens. C'est des compétitions. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec les championnats domestiques. Et puis les joueurs abordent cette compétition totalement d'une autre manière. Donc, ça n'aura rien à voir avec les formes du moment, en tout cas. Est-ce que c'était pas une nuit pour le Calderón, Marlène ? Comment ? Je sais pas. Est-ce que c'était pas une nuit pour vivre ça au Vicente Calderón plutôt qu'au Wanda ? Alors. Oui, c'est vrai que l'atmosphère. C'est vrai que c'est différent. Moi, je suis encore nostalgique. C'est vrai que ça nous manque à tous. Et il y a l'esprit du Calderón qui est derrière nous. Et c'est vrai que les nuits au Calderón, c'était quelque chose. Et là, c'est quand même différent. On a plus de modernité, plus de confort, mais on retrouve pas la même pression. On retrouve pas le. C'est pas pareil. C'est clairement pas pareil du tout. Donc, mais le public, ça va être quand même une force, et c'est sûr et certain, mais oui. Ouais, c'est un beau stade, le Wanda, mais c'est sûr que, déjà, le Calderón, c'était au Paseo de los Melancólicos. Déjà, rien que le nom est incroyable. Et là, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Ils n'avaient pas complètement détruit, mais déjà, ils cassaient l'intérieur. Ouais, c'est ça, avec la route qui passait au début en dessous. Ouais, exactement, après, tu as mal au cœur, parce que pour moi, les stades sont des monuments historiques. Donc, tu arrives et tu fais « Ah ouais !» Enfin, ça fait... Ça fait très très bizarre, quoi. Ouais. Et surtout ce match, moi ce match, il peut me faire penser un petit peu. Alors évidemment, c'est pas du tout au même stade de la compétition, et puis c'était un autre Atlético qui régnait, on va dire, sur l'Europe avec d'autres. Mais c'est un avant match qui peut me faire penser à celui où l'Atlético avait gagné 1-0 face au Bayern avec le but sensationnel de Saúl Ñíguez. Et moi j'étais à Madrid à ce moment-là, et j'étais aux abords du stade, mais évidemment j'avais pas de place, donc c'était compliqué. Mais enfin, les supporters, j'avais passé le match évidemment avec d'autres supporters de l'Atlético qui n'avaient pas pu avoir de place, mais avec qui on vivait le match. Et puis quand il me disait, bon, évidemment, beaucoup, enfin, grosse grosse performance collective déjà de toute l'équipe, mais aussi il me disait c'est ça ce que le Calderón nous apporte, et c'est cette âme qui existe dans ce stade. Et ils avaient déjà des craintes par rapport au Wanda, ce qui peut les quitter, quoi. Et ils avaient totalement raison, pour l'instant en tout cas. Est-ce que tu as fait le match au Doblete? Est-ce que c'est là où tu as vu le match? Moi, j'ai fait le dernier derby en Ligue des Champions. C'était le dernier derby au Calderón, c'était une demi de Ligue des Champions. Mmh. Ouais, où il pleuvait. J'ai pris une averse de malade. J'ai vu le match au Doblete. Ah, je ne sais plus du tout le nom du stade. Et on est tous restés jusqu'à la fin pendant longtemps sous la pluie pour les applaudir. Enfin, c'était incroyable, j'ai jamais vu un truc comme ça. On est restés jusqu'à la fin, même après le match, quoi, sous la pluie, à les applaudir, à chanter. Enfin, c'était tout de ouf, quoi. Ah, c'était une superbe ambiance. Ouais. Hein. Mmh. Je ne sais plus du tout le nom du bar où j'étais. Enfin, c'était pas très loin. En tout cas, c'était absolument incroyable. Enfin, c'était. Puis par contre, ouais, c'est comme un peu en Angleterre, les supporters en Espagne, ils connaissent évidemment aussi tout par cœur de leur club. J'en discutais un, il me racontait toute la vie de Luis Aragonés, toute la, on va dire, sous la présidence de Jesús Ril, etc. Enfin, c'était absolument incroyable. Et c'est ça qu'on aime évidemment dans le football, c'est tu peux être pour un club, mais il faut connaître aussi tout ton club. Pour évidemment vivre de ta passion et ressentir tout ça lors des gros matchs comme ça, quoi. J'ai une petite colle pour vous, parce que c'est comme tu as parlé de Simeone et Zapatón et Saragones. Il y a un troisième homme qui a gagné le titre avec l'Atlético comme joueur et comme entraîneur. Qui est-il? Alors là, tu me poses une colle. Abel Retino? Non, il est français. Un entraîneur? Oui. Français. Vous trouverez, je pense pas que vous trouverez. Ah non, je t'avoue, je sais pas. Marcel Domingo. Ah, je connaissais de nom, mais je savais pas qui. D'accord, ok. D'accord, je le dis parce qu'il est d'Arles et comme je suis d'Arles, je défends. Mais c'est vrai qu'il est très peu connu. Il y a une anecdote où en fait un vieux supporter l'avait reconnu quand tu disais qu'il faut connaître son histoire et tout. Mmh. Et même à l'Atlético, il avait oublié. Figure-toi. Ah, il est décédé en 2012, je crois, de mémoire. Et voilà. Et il est pas, même dans le football français, il est pas. Alors qu'il a gagné le titre avec Nice, par exemple. Ouais, il était bien sûr. Deux fois sa mort, là, il a joué avec Ben Barek, de mémoire, donc la delantera des Cristal et de Seda aussi. Donc voilà, c'était voilà. Et puis par rapport à Saúl Ñíguez, t'as dit qu'il a mis un but magnifique. Saúl Ñíguez ne met que des buts magnifiques. Oui, ça c'est incroyable. Et puis je l'avais découvert, je le connaissais un petit peu avant, mais je l'ai plus découvert lors du fameux 4-0 de 2015 avec son magnifique. Je crois que c'est un retourné qu'il fait ou un ciseau en hauteur. Enfin, c'était absolument incroyable. Et c'est ça, et c'était encore au Calderón, et c'est un petit peu. Et c'est là qu'en même en regardant le résumé sur les, que ce soit sur internet ou même à la télé, tu sens déjà que ce stade. Dégager quelque chose, quoi. Que ne dégage pas, en tout cas pour l'instant, le Wanda, mais c'est partout pareil. Hein. L'Emirates, Arsenal, c'est pareil. Donc c'est dommage. En fait, on ressent un peu comme une perte d'identité. Ouais. Hein. Mmh. C'est très fort, en fait. En fait, couplé au changement de stade, ils nous ont changé les scudos, quoi. Donc ça a été terrible, en fait. Il y a eu des manifestations, il y a eu des. Enfin, il y a encore un gros mouvement anti, comme ils disent, anti-logo. Parce que les gens n'acceptent pas en fait le changement, n'acceptent pas que qu'on rentre un peu dans l'ère business quoi, un peu plus. Ils veulent rester dans l'authenticité, ils veulent rester dans on est l'équipe del pueblo quoi, on n'est pas. C'est ça. Comme les voisins là, le Real, on n'est pas comme ça. Nous. Donc eux, j'accepte le changement, mais c'est vrai que beaucoup ne l'acceptent pas. Par exemple, il y a une grosse baisse de vente, au niveau des maillots, tout ça, parce que les gens n'acceptent pas. Ou alors ils achètent les maillots, ils enlèvent l'escudo là, l'actuel quoi. Mmh. Et ils courent par dessus l'ancien. Enfin, c'est des. D'accord. Trucs. Ah oui. Il y a au stade, par exemple, au Frente Atlético là où il y a les ultras. Il y aura personne avec un truc du nouveau logo quoi. C'est pas possible quoi. Ils viennent tous avec des anciens. Des anciens vêtements, avec l'ancien écusson. Il y a un total rejet de tout ce qui est forme de modernisme, football moderno, comme ils disent. Il y a un rejet de. Ils ne veulent pas de tout ça, en fait. Plus avec le stade, le changement de stade, ça a été difficile encore. Là encore, ça a été. Ouais, et puis le gros problème du Vanda, alors outre le fait que ce soit. Alors, le Calderón était en ville, mais alors, il y a. Pour aller au Vanda et repartir, t'as une heure de métro, c'est insupportable. Ça, c'est une horreur. Parce qu'en plus, quand tu repars le soir et que tu te dis. c'est un gros problème. Et là, ils sont en train de développer tous les alentours, ils veulent faire un nouveau camp d'entraînement. Parce que là, ils partageaient avec le Rayo Majadahonda. Je sais plus où c'est la. Oui, c'est à Majadahonda, je suis bête. Oui. Où ils partageaient avec l'équipe qui était en D2 l'année dernière. Les filles jouaient sur le même terrain. D'ailleurs, c'était un scandale. J'avais fait la demi de Copa contre le Barça. Elles jouaient sur une pelouse qui était innommable. Là, ils sont en train de faire une sorte de nouvelle cantera ou faire un centre uniquement pour les féminines à côté du Vanda, quoi. Mais bon, c'est. Enfin, les stades, pour moi, c'est. Ouais, c'est en ville. Puis t'as toujours un lien avec ton stade. Là, j'ai vu que Millwall, par exemple, veut refaire le Den aussi. Oui. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a personne dedans, parce que c'est en projet de travaux, ils condamnent déjà toutes les tribunes. Mais c'est vrai que le fait de refaire des stades ou refaire, on va dire, soit démolir, soit les faire, bah, on va dire, dans d'autres quartiers qui ne sont pas vraiment les leurs, c'est toujours compliqué. Et quand j'ai vu, je me suis dit à un moment, mais où il est le Wanda par rapport à l'ancien? Au début, je ne savais pas. Et quand j'ai regardé, on va dire, sur Google Maps, la distance entre le Calderon et le Wanda, je me suis dit, ah ouais, waouh, ça, enfin, pas du tout pareil. C'est, enfin, je veux dire, c'est chaud, quoi. Quand on regarde en plus, je veux dire, le Bernabéu qui est vraiment, ouais, en centre, etc. Même Vallecas qui est vraiment dans un petit quartier bien, etc. Du Rayo Vallecano. Et là, quand je vois le Wanda qui était complètement déplacé, ben, dans une zone évidemment à construire, je me suis dit, waouh, à mon avis, les supporters, je pense que ça en aura ragé quelques-uns et ils ont raison du coup. Donc, ouais. Après, on a perdu ça, mais quand même, c'est vrai que bon, moi, je le vois du côté positif. On a gagné en modernité aussi. Ouais, en visibilité, aussi. Ça fait plus grand club, quoi. Ouais. Parce que le club était dans un état quand même. Il était en ruine limite, quoi. Franchement, il fallait bien trouver une solution. Après, finalement, en termes de place, on n'a pas non plus. De siège, je veux dire, on n'a pas non plus gagné énormément, mais c'est vrai que le stade, il est incroyable. Enfin, dedans, c'est magnifique, c'est incroyable. Et autour, en fait, il y a beaucoup de place. Alors qu'au Calderon, on était vraiment serré, on pouvait rien. Enfin, je veux dire, c'était très serré. Alors que là, ils font plein de trucs, des spots de musique, des spots de bouffe, plein d'animations. Il y a des statues en l'honneur du club, il y a des plaques commémoratives, il y a plein de, ils sont en train de faire des trucs géniaux, quoi. Donc c'est vrai que oui, on a gagné c'est plus, ouais, en visibilité, en grandeur, en tout cas de ce point de vue là mais c'est vrai grandeur. Que ouais, vrai. D'ailleurs, que... les plaques, est-ce qu'il y a toujours celle de Courtois et Griezmann? Oui. Bah, oui, par contre, à chaque fois, elles sont vraiment dans un état. Ouais, elles sont dans un état. Alors, lamentable, j'imagine. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'y suis allé l'année dernière pour, j'ai fait le match aller de la Juve là, et le derby. Et j'ai croisé un collègue espagnol qui travaillait pour la Liga. Et il y a un mec qui passait derrière nous. Il y a eu un énorme raclement de gorge. Il a craché sur la plaque de Hugo Sanchez. Hugo Sanchez, ouais. Hugo Sanchez, en fait, à l'époque, pour qu'il change de club, ils avaient fait une triangulation, il était repassé par Pumas. D'accord. Pour pas qu'il soit des deux côtés, qu'il ait fait directement. Le transfert entre l'Atlético et le Real. Ouais. Voilà. Et le dernier qu'il a fait, c'est récent. Ah, j'ai oublié son nom. Ouais, le dernier direct, ouais. Non, mais c'est récent. C'est très récent. Avant, c'était Rulado. C'est pas Marcos Llorente? Oui, voilà, merci. D'accord. Oui, Marcos Llorente. Mais c'était pas. C'était. Parce que même, comment Théo Hernandez, par exemple, avait joué à la veste avant de changer. Oui, bien sûr. Mais il est passé directement de maillot à l'autre. Ça faisait très longtemps que c'était pareil. Ouais. Et justement, en parlant de Marcos Llorente, est-ce que vous pensez que au sein du 4-4-2 du Cholo, est-ce que vous pensez que la doublette avec Thomas peut être reconduite, ou alors vraiment. C'est un gros match de Ligue des Champions et Llorente peut retourner sur le banc pour mettre évidemment plus d'expérience, etc. Est-ce que cette doublette quand même marche, j'ai trouvé quand même assez pas mal lors des derniers matchs, mais Contre Valence, ça a donné de bonnes choses. Puis en plus les deux buteurs. C'est dommage qu'on lui donne pas assez de temps de jeu à Llorente. Ouais, Llorente. Ouais. Des fois le Cholo fait un peu des choix un petit peu tactiques, un peu étranges, mais j'espère beaucoup le voir là demain. Llorente, le problème qu'il y a, c'est qu'on est tous un peu sur sa saison à Alavés, où il avait été extraordinaire, et après au Real il a plus joué. Alors en plus, se faire une place au milieu au Real, c'est un tout petit peu compliqué. Ouais, c'est très très chaud. Tu prends quelqu'un comme Dani Ceballos qui moi je pense que Ceballos a fait une erreur énorme en signant Real Madrid sans être prêté un an au Betis. Oui, complètement. C'était une erreur majeure, mais quand tu vois déjà comme quelqu'un comme Isco, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans l'équipe, c'est lui qui est dehors. Voilà, déjà tu te dis déjà lui c'est le premier remplaçant. Donc derrière t'as pas trop de. Puis Valverde, ça faisait longtemps qu'on savait qu'il était fort, quoi. Donc du coup ça va être c'est très compliqué. Et donc Marcos Llorente est aussi dans le même cas, dans une équipe où le milieu de terrain est redoutable. Je t'en prie. Sur la plaque d'Hugo Sanchez, elle a été remplacée par Falcao, la plaque. Ils ont mis une pour Falcao. calmer pour un petit peu mais ça aussi il y a des fois des plaques où on se demande qu'est-ce qu'ils font parce que bon, au niveau qu'ils ont de l'apport, des fois on se pose des questions, pourquoi lui pas un autre, enfin bon, Falcao c'est indéniable, mais je veux dire il y a d'autres joueurs où par exemple on n'est pas trop d'accord, mais bon. Ah, ils mettent les féminines d'ailleurs aussi dans les plaques. Ah. Ouais, il y a Angela Sosa y est, notamment. Et je pense qu'Amanda San Pedro y est aussi. Non, c'est sûr que Amanda San Pedro, c'est sûr qu'elle y est. Ah ouais, donc, c'est bien ça. Ouais, ouais. Donc, bah, c'est vrai que le foot féminin prend de plus en plus de place. Puis l'Atlético est une place forte. Ouais, l'année dernière, le match contre le Barça, c'était le match qui avait le plus d'affluence. Ouais, c'est ça. C'était à Madrid et ouais. Bon, on a perdu malheureusement, mais c'est, ouais, c'était le match avec le plus d'influence. Ouais, on en reparlera du football féminin en Espagne. Bon, là, cette année, le Barça est très, très, très au-dessus. Enfin, fait des recrutements de dingue. Je sais pas combien... Ouais, elles ont gagné 11-1 en finale de la Supercoupe. Ouais. Et elles ont gagné hier, enfin, dimanche, elles ont gagné 7-0 contre Huelva. Enfin, et puis, pas bon, elles ont beaucoup investi. Elles ont fait finale de Ligue des Champions l'année dernière contre Lyon. Et là, il y a beaucoup, beaucoup d'apports de la part du club. Et l'Atlético a changé d'entraîneur. C'était Sanchez Vela la saison dernière. Ça a bougé en cours de saison. Ils ont perdu en Coupe de la Reine contre le Betis, je crois. Donc voilà. Mais en tout cas, le football féminin espagnol se développe. Et justement, c'est une manière... San Pedro, c'est un peu la... Il y a El Niño Torres et il y a la Niña San Pedro, en fait. Marlène Geoffrey, c'est l'heure de vous mouiller. Enfin, Geoffrey, un peu plus que ce que tu as à Paris. Et un petit pronostic pour clôturer. Je et vois là, mal. Moi, je dirais 1-1. Évidemment, j'aimerais pas, mais franchement, ça va être. Je reste sur 1-1. Ouais. Je vois une victoire de Liverpool 2-1. Je vois quand même l'Atlético marquer, mais je vois Liverpool quand même l'emporter. Malheureusement pour l'Atlético, tout en restant objectif, parce que c'est vrai que Liverpool est une armada incroyable. Ils n'ont, enfin, on décèle pas vraiment de points faibles, en tout cas majeurs, dans cette équipe, tellement qu'ils écrasent finalement la Première Ligue et qu'ils sont, enfin, ils ont des certitudes absolument incroyables. Bah, enfin, ils sont sereins tout le temps et même quand ça joue moins bien. Ils arrivent toujours à s'en sortir, soit par un petit peu de chance, mais sauf que quand on est en tête avec 22 points d'avance ou 25 points, puisque City doit encore jouer un match, mais quand on est en tête avec 25 points, bah aussi la chance ça se provoque. C'est une équipe qui est bourrée de certitudes, qui a pas de doute, et je les vois quand même gagner au Wanda 2-1. Merci à tous les deux d'être venus dans ce podcast Ligue des Champions. Puis on verra bien ce que ça donnera demain. Marlène, bon match demain. Bah merci. Enfin ce soir. Je suis déjà pas bien là. Là je suis pas bien déjà là. et merci Geoffrey, à bientôt. Merci, merci à toi FM, merci Marlène, à toi. Et puis on vous revoit pour le match retour. C'est ça. Moi, pas de souci. Liverpool. Je serai à Liverpool. Ah super. Voilà, magnifique. Je fais l'aller-retour. Merci à tous les deux. Merci, bonne soirée. Merci, merci. C'est la deuxième partie du Fouria Champion Podcast consacré au 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Et après Atlético Liverpool avec Marlène et Geoffrey, j'accueille Mathieu Pianetze. Je ne me trompe pas dans l'accent. Non, très bien, très bien. Tu le gères bien, l'accent italien. Je suis d'origine italienne aussi, donc pas tellement. Très bien. Rédacteur pour Calcio Mio, les grands Calcio Mio. Le modèle de Fouria. De Folia Liga et je salue d'ailleurs Valentin Paoluzzi. C'est ça, exact. Saluons-le qui vient d'avoir un enfant en plus et grand créateur de Calcio Mio il y a plus de 10 ans maintenant. Et en effet, on est sur la toile, sur le foot italien depuis 12 ans quasiment. Tout à fait. Je voulais aller faire le déplacement à San Siro pour lui faire la bise. Mais bon, malheureusement, je dois rester en France. Donc voilà, Valencia va retrouver San Siro. Valencia qui n'a jamais gagné à San Siro, et sa défaite la plus cruelle fut une finale de Ligue des Champions en 2001 contre le Bayern. Au but, si je ne me trompe pas. Finale que j'ai jamais pu revoir. Avec Didier Deschamps qui était resté sur le banc, je crois. Tout à fait. Je ne me trompe pas. Didier Deschamps qui a eu la fibre d'entraîneur à Valence. Ça a commencé à Valence. C'est vrai. Voilà. Et donc, autant la finale 3-0 perdue l'année précédente, elle est regardable parce que finalement, le avec début un de match... but de Nico Anelka, c'est ça, au Real Madrid. C'était ce match-là qui perd 3-0, ouais, c'est ça. Ouais. Avec un but de McManaman, un but de Raoul pour clôturer la marque. Que du lourd. C'est ça. Et retour en Italie. Puis il y a eu des matchs aussi mythiques contre l'Inter avec une bagarre générale avec David Navarro qui explose le nez de Ivan Cordoba. Ah, c'était exceptionnel cette scène. Les photos qui s'en sont suivies, c'est toujours mythique quand je les revois. Quoi. Exactement. Mais cette fois-ci, c'est pas pour défier ni le Milan ni l'Inter, mais l'Atalanta Bergame qui ne joue pas dans son stade, mais qui doit jouer la Ligue des Champions. À Milan. D'ailleurs, est-ce que ça change quelque chose pour l'équipe de jouer dans un stade qui n'est pas le sien et donc en fait pas chez eux quoi. Ça doit être particulier non, comme ambiance. Mais c'est toujours un éternel débat des clubs qui ont des stades en reconstruction, en restructuration. Alors en effet, l'Atalanta, on reviendra un peu hein, tout à l'heure, c'était des questions sur le modèle, le projet de ce club, mais ils sont lancés dans la restructuration de leur stade qui était un petit peu vieillissant. Je ne sais pas si tu as déjà vu des images de l'ancien stade. C'est vraiment un stade très à l'ancienne. Des stades italiens, j'ai envie de dire. Ouais, mais encore pire, tu vois, à moitié sur pilotis et tout. Enfin, c'était un truc vraiment très, très à l'ancienne. Mais là, ils ont bien bossé. Il y a déjà le virage, la courbe nord qui a été refaite et qui est vraiment magnifique. Tu regarderas rien que le résumé contre la Roma ce week-end. Tu vois le nouveau virage, il est tout prêt au ras des buts, un peu à l'anglaise. Il y a une sacrée ambiance. Et du coup, ouais, je pense que c'est un peu gênant pour l'Atalanta d'avoir dû jouer tous ces matchs à San Siro parce que c'est une vraie petite bonbonne, le stade de l'Atalanta, avec une très grosse ambiance. Ils ont dû s'y faire aussi au monstre qu'est San Siro avec toute la valeur sur l'échelle européenne qui représentent, et ils ont eu du mal les premiers matchs. Après, là, et sur les derniers matchs de poule, ils commencent à s'acclimater à ce grand stade, et je pense que pour un huitième de finale, ils annoncent quand même une belle affluence. Toute la ville de Bergame va se déplacer à Milan, ça va être un exode massif, donc je pense que ça ne va pas être tant à désavantage que ça pour l'Atalanta. D'ailleurs, pour l'anecdote, si vous voulez voyager en low cost, vous arrivez à l'aéroport de Milan-Bergame. Exact. Donc le lien était tout trouvé. Et puis c'est vrai que pour voir la Ligue des Champions, les clubs de Milan, bon, peut-être que l'année prochaine ça va bouger. Ben, je t'avoue que l'Inter de pas se qualifier en huitième avec le parcours qu'ils ont eu, c'est vraiment extrêmement dommage pour eux. Après, je pense que ça arrange aussi Conte de pas avoir des matchs à haute intensité vu qu'ils jouent encore, le Scudetto là. Mais normalement, ça fait 2 ans de suite que l'Inter doit aller en huitième, aller carte en main au dernier match et qu'ils font n'importe quoi. Donc oui, c'est dommage. Le Milan a fait. On n'en parlera pas, François, si tu veux bien. Il y aura d'autres Nelazzurri mercredi soir sur la pelouse de San Siro. Alors, quand Valence a tiré l'Atalanta, on ne va pas se mentir, c'était quand même un des meilleurs tirages possibles pour le club. Sauf qu'il y avait déjà Gabriel Paulista qui était suspendu. Et que ça s'est ajouté la blessure longue durée d'Ezequiel Garay, ce qui fait qu'il n'aura pas la charnière titulaire. Oui, il a quoi, Garay, d'ailleurs? Il s'est fait un genou. Donc, voilà. Ils ont ressorti Eliakim Mangala. C'est ça. Alors, voilà, le gros problème de cette équipe-là, c'est que ça va être Mukhtar Dakabi, l'ancien Lyonnais, qui devrait diriger la défense. Et Mangala, le problème, c'est que les deux n'ont pas joué ensemble de la saison, ni là les matchs récemment, ni en Copa del Rey, ni contre. Le dernier match contre Atlético, où Jacabi est rentré en fin de match parce que Gabriel s'est blessé, donc il en a lui aussi il en a pour quelques jours, voire un mois sur la touche. Ah ouais, donc même leur tour, c'est possible qu'ils jouent pas après sa suspension. C'est ça, sachant que le nouvel arrivant Alessandro Florenzi a la varicelle, donc il oui, donc c'est sûr pour mercredi, il joue pas. Il est également incertain, donc. Okay. Donc, c'est quand même problématique. La varicelle à cet âge-là, ça peut être long et douloureux. Donc, Exactement. Donc, la poisse jusqu'au bout. Donc, à ce moment-là, ce serait Daniel Vaz qui devrait jouer parce que Cristiano Piccini ne devrait pas être disponible pour disputer ce... Ah oui, c'est une hécatombe. Oui, c'est l'hécatombe. En plus, Dani Parejo est le capitaine, tire un peu la langue parce qu'il n'a pas de remplaçant attitré pour... Il joue tout le temps, lui. Donc oui, c'est ça son problème majeur. Et puis donc, est-ce que va proposer Celades, qui va proposer un milieu ultra défensif avec Coquelin et Kondogbia qui ensemble avec Palermo, ça marche pas trop bien. Et avec Mangala devant, derrière, ça peut être football champagne quand même. C'est ça, voilà. Et surtout que devant, Rodrigo Moreno n'est pas assuré d'être d'être titulaire parce qu'il a été blessé. Donc, ce serait Maxi Gomes et Kevin Gamero qui seraient titularisés. Donc, voilà l'état des lieux du Valencia Club de Football. Et en face, il y a quand même l'armada de l'Atalanta. Ah, on peut presque dire armada. Ouais. Ah oui, là, c'est vraiment... Meilleure attaque en Serie A. Et qui passe, comme on dit en Espagne, qui met des raclées à tout le monde. Et surtout, pour te compléter, eux ont eu une longue période avec pas mal de blessés. Mais là, après la trêve de Noël, tous les gros joueurs sont revenus. Illicite, il y avait eu des petits problèmes musculaires. Zapata était absent 2 mois. Pareil, une grosse douleur, une grosse déchirure musculaire. Ils sont tous là. Muriel est même en réserve de la République sur le banc. Donc Muriel qui fait quand même un gros début de saison aussi avec l'Atalanta, qui se rappellera peut-être au souvenir des supporters de Séville. Mais en tout cas, voilà. Mais l'armada est là, tu fais bien de le dire. Ils n'ont pas de blessés. Il ne me semble pas qu'il y ait de suspendu parce que où il y a peut-être Toloi qui est suspendu derrière. Il faut que je vérifie. Mais en tout cas, l'effectif sera à 80-95%. Au complet, et devant, ça risque d'être chaud pour la défense de Valence, telle que tu me l'as décrit tout à l'heure, parce qu'avec Papu Gomes, Duvan Zapata et Josip Ilicic qui marchent sur l'eau en ce moment, ça risque d'être compliqué pour Valence. Josip Ilicic avait quelques souvenirs de la Fiorentina, et Luis Muriel aussi. Bien sûr, qui avait fait un bon passage à la Fio l'an dernier, d'ailleurs. Exactement. Et figure-toi que moi, j'ai déjà assisté à un Valencia-Atalanta. C'était pour le Trofeo Naranja qui ouvre la saison au mois d'août. Ah, d'accord. Donc, cette année. Donc, enfin, en 2019. Voilà. Donc, ça a déjà eu... C'est un remake avec un tout petit peu plus d'enjeux, on va dire. Légèrement, quoi. Et puis, des formes physiques un peu plus poussées à ce moment-là de la saison. Exactement. Mais justement, on parle beaucoup de l'attaque, mais qu'en est-il de la défense de l'Atalanta? Parce que généralement, quand tu as une grosse attaque, il peut arriver que la défense soit un peu plus perméable. Clairement. Et puis le jeu de Gasperini est quand même extrêmement porté sur l'attaque vers l'avant. Mais défensivement, quand les trois sont alignés derrière, qu'on a Toloi, Palomino, l'ancien joueur du FC Metz, et Jim City, l'Albanais, moi, je trouve ça plutôt cohérent. Dès qu'il en manque un, c'est beaucoup plus mancal. Ils ont perdu l'ancien Massiello qui est parti au Genoa cet hiver parce qu'il jouait plus trop dans la rotation et il avait envie d'aller sauver le Genoa. Mais tu vois, encore samedi soir face à la Roma, ils font un super match, mais c'est une erreur de Palomino qui plombe l'équipe sur le premier but de Dzeko. Un mauvais contrôle à 30 mètres du but, Dzeko qui prend le ballon et qui part ensuite battre le jeune Golini, qui est un bon petit gardien italien. Mais c'est une défense qui fait parfois des grosses boulettes, comme ils ont fait dans la phase de poule sur les premiers matchs, ou contre Zagreb et contre nos amis ukrainiens du Shakhtar. Ils ont fait des énormes erreurs. Ils ont resserré un peu les lignes sur la deuxième partie. Mais c'est une équipe qui prend quand même pas mal de buts et beaucoup d'erreurs, souvent défensives, qui amènent à des buts. Donc je pense que Valence risque d'avoir quand même des opportunités mercredi pour mettre un ou deux buts à l'extérieur, ce qui pourrait compter avant le retour qui s'annonce bouillant à Mestalla. Oui, parce que le problème des supporters de Valence, c'est surtout se focaliser sur la défense, parce qu'elle fout la trouille, clairement. Ça va être une défense complètement inédite, sachant qu'en plus, si Lesen ne sera pas là et qu'il n'est pas du tout en mesure de passer devant... Ouais, il a eu un problème, mais enfin, on ne sait pas trop ce qu'il a, en fait. Et en fait, on se demande s'il n'a pas une fracture du mental, parce qu'en fait, il a été recruté par Marcelino, mais Marcelino est parti. Et puis, Jaume Domenech, qui n'est pas le meilleur gardien du monde, fait ses marres, il fait des erreurs, parce que c'est pas un gardien de fou. Ouais, mais il s'appelle Domenech. Ouais, mais il fait ses matchs. Donc du coup, voilà, pour le moment, il fait l'affaire. Et si l'essai n'est pas dans le groupe, c'est Christian Ribello qui est deuxième gardien. Et on ne sait pas trop où il en est, on ne sait pas où il est, alors que normalement, si Lesen devait quand même être le remplaçant de Neto, qui lui aussi a laissé quelques souvenirs, principalement à la Fio, parce qu'à la Juve... Ouais, il était numéro 2. Il n'a pas non plus beaucoup joué, ce qui fait qu'il n'est pas très très populaire maintenant à Florence. Ah très clairement, quand tu passes de Florence à la Juve, il faut assumer après que ça râle un peu. C'est un tout petit peu compliqué. Mais ouais, donc pour rassurer les supporters de Valence, franchement, défensivement, il y a souvent une à deux boulettes par match de la part des hommes de Gasperini. Donc, Franchement, avec un Maxi Gomez qui est plutôt en jambe en ce moment, je pense qu'il peut avoir des ouvertures pour Valence. Et surtout qu'en plus, là, Maxi Gomez n'a pas été en réussite. Il a fait une passe décisive contre Atletico, mais il aurait pu donner la victoire sur un débordement de Ferland Torres. Mais c'est vrai que lui, il est plutôt en forme. Et Ferland Torres, qui est peut-être le joueur, il n'a pas encore 20 ans, il va l'avoir le 29 février. Il explose complètement et là, il est vraiment injouable. Donc, peut-être que Valence, dans un jeu plus direct, pourrait gêner l'Atalanta. Je pense. Moi, je pense qu'ils vont avoir des opportunités. Après, ils vont subir aussi parce que le jeu de l'Atalanta, même contre les grosses équipes en Serie A et même contre City à San Siro lors du match retour de poule, ils ont tenu le ballon face à Manchester City de Guardiola, ce qui est quand même pas rien au niveau de la possession du ballon. Donc franchement, ça va être un match très ouvert. Je pense que ça va être spectaculaire et les deux équipes devraient scorer dès mercredi, je pense. Alors j'ai une question pour de la part de quelqu'un qui se rappelle juste de l'Atalanta avec Franck Sauzet, puis plus tard Nicolas Ventola. Ah ouais, là tu me sors du lourd là. Ah ouais, bah Nicolas Ventola à PES, j'ai gagné une Coupe du Monde avec lui en attaque. C'est vrai qu'il était pas mal à PES. Ouais, il est ancien joueur de l'Inter aussi si je me trompe pas. Exact. Et qu'est-ce qui a fait que l'Atalanta est devenu a eu cette politique d'avoir un football offensif? Est-ce que ça, c'est dû à l'arrivée de Gasperini ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive de plus loin et d'une volonté de produire du spectacle? Très clairement, comme je te disais tout à l'heure, je te parlais de la restructuration du stade, c'est porté par le président Pelkasi qui a décidé un peu de tout bousculer après les dernières ères, notamment de Colantuano quand il était coach, où c'était une Atalanta assez restrictive dans le jeu. Et dès que Gasperini est arrivé à la tête du projet, Gasperini a toujours eu une bonne image de jeu en Italie. Hein. Je me souviens de son Genoa, qui était vraiment un plaisir à voir jouer, qui a eu une expérience douloureuse à l'Inter, où on n'a pas trop compris ce qu'il a fait là-bas en deux mois, même pas, il s'est fait mettre à la porte après le passage de Benitez, donc c'était assez spécial. Compliqué. L'Inter, c'est très spécial aussi comme club. Très clairement, il est passé au mauvais moment, il n'a pas eu le temps de mettre en place ses préceptes de jeu, mais à l'Atalanta, il a eu carte blanche par le président, qui lui a donné en plus un effectif de qualité avec des recrues très souvent à bas prix, mais des joueurs qui étaient reconnus dans d'autres clubs en Italie. Un énorme centre de formation. Ils sortent des joueurs à tire-larigot qui sont partis dans des clubs où ils ont pu faire des plus-values financières assez incroyables. Et puis, le projet s'est monté et le 3-5-2 de Gasperini s'est mis en place et ça envoie du jeu depuis trois saisons maintenant avec des super résultats. Ils ont commencé par l'Europa League où ils n'avaient pas été ridicules en se faisant sortir par Dortmund en 16e de finale il y a deux ans. Ils avaient même failli passer au match retour. Et puis une stratégie globale de club où si tu regardes rien que la masse budgétaire des salaires, c'est le 10e ou 11e club en masse salariale. Et tu te rends compte les résultats qu'ils ont depuis trois ans maintenant. Donc, c'est vraiment un club qui est parfaitement géré de la tête aux pieds. Une fois qu'ils auront leur nouveau petit stade qui va faire 30 000 places, ça va être un petit bijou et ils vont avoir des rentrées financières supérieures. Ils arrivent toujours à revendre les joueurs. Tu vois, ils ont vendu un Franck Caissier au Milan AC qui est catastrophique depuis qu'il est à Milan, mais ils l'ont vendu 30 millions d'euros. Ils ont vendu Gagliardini, qui était un bon joueur à l'Atalanta, mais qui est à l'Inter, reste très moyen. Moi, je ne suis pas fan du profil, mais ils l'ont vendu pareil, une trentaine de millions. Donc, tu vois, ils perdent chaque année des joueurs, mais derrière, ils recrutent et ils ont quand même devant un joueur comme Duvan Zapata, qui pour moi était un énorme attaquant de Serie A, qui n'a jamais eu sa chance au Napoli, c'est bien dommage. Mais voilà, tout est bien géré dans ce club de A à Z et je ne suis pas surpris des résultats qu'ils ont à l'heure actuelle. Est-ce que ça peut être mis en perspective par rapport à une sorte d'évolution du football italien avec, je pense, par exemple à Sassuolo, des clubs comme ça. Et est-ce qu'il y a eu aussi une prise de conscience après l'échec à la qualification au Mondial où il a fallu quand même se poser les bonnes questions à travers la nationale et se dire que c'est peut-être le moment de remettre les pendules à l'heure et de proposer autre chose parce que sinon le football italien allait perdre sa place au sein du gratin européen, tout simplement. Et bien, je pense que ça remonte même avant, tu vois, les qualifs et l'échec à la Coupe du Monde des 18. Moi qui suis énormément la Serie A, je te dis, ça fait 4-5 ans, c'est pas toujours bien vendu dans les médias français, c'est pour ça que Calcio Mio existe, mais ça fait 4-5 ans que c'est un des championnats où il y a le plus de buts à la fin de la saison, loin des images, si tu écoutes encore certaines personnes dans des médias haut placés qui te disent « oui, c'est 1-0, c'est Catenaccio et ça bouge plus », ou « c'est toujours très tactique », ça c'est le mot, dès qu'on parle du championnat italien, c'est très tactique. Ah, mais ça c'est comme avec l'Espagne où c'est tiki-taka, hein, c'est pareil. Voilà, bon, hier soir, par contre, Lazio Inter était très tactique, mais en même temps très agréable à regarder. Mais voilà, non, ça fait 3-4 ans, même 4-5 ans, où il y a une mentalité qui change en Italie. Il y a des coachs, tu l'as dit, comme Gasperini, comme De Zerbi, à Sassuolo, qui font un peu avancer les choses, qui jouent Sarri, évidemment, Sarri, le Napoli de Sarri. Bon, il a du mal à mettre ça en place à la Juve, mais son Napoli était incroyable à voir jouer. Même le Montella, des débuts à la Fiorentina, proposait des choses intéressantes. L'ami Di Francesco, à la Roma et à Sassuolo avant, avait également proposé. Donc ça bouge vraiment, et moi je me régale à regarder tous les week-ends les matchs en Italie. Il y a souvent 30-35 buts par week-end, ce qui est quand même énorme sur la moyenne, et il y a des équipes qui poussent vers l'avant tout ça, et en plus avec des styles un peu à l'opposé parfois. Tu regardes la Lazio et l'Atalanta derrière, on n'est pas du tout sur la même maîtrise du jeu entre le jeu de possession de l'Atalanta et le jeu très vertical de la Lazio d'Inzaghi. Donc ouais, ça commence à changer, et puis ils ont mis à la tête de la Nazionale Roberto Mancini, qui prône quand même un jeu plutôt léché de possession. D'ailleurs, pendant les qualifs, l'Italie a complètement changé sa manière de jouer par rapport à l'ami Ventura, qui a réussi à amener dans le mur cette équipe d'Italie pour la Coupe du Monde 2018. Donc oui, les mentalités changent. Après, il faut que ça se traduise en Europe. Je t'avoue que des fois, je suis un peu déçu des résultats ces dernières années. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Et au niveau de l'intensité, je trouve qu'ils ont encore un peu de mal à se hisser au niveau de la Première Ligue et de la Liga sur certaines rencontres. C'est vraiment ce qui manque encore, l'intensité physique. Parce que je me souviens encore, rien que l'an dernier, la Lazio contre Séville en Europa League, j'ai vu le vrai gap entre les deux équipes au niveau de ce rythme, cette intensité sur 90 minutes. Mais sur le reste, il y a eu énormément de progrès. Ouais, c'est pas encore le retour des 7 fiancés, mais ça en prend le chemin. Mais bon, c'est déjà le chemin. Il y a eu d'énormes progrès, même les affluences au stade commencent à repartir à la hausse. Là, on est quasiment à 28 000 de moyenne, alors que pendant des années, l'Italie est restée aux 23 000, 24 000, à peine mieux que la Ligue 1. Il y a une vraie effervescence autour du championnat cette année, comme il y avait eu il y a 2 ans pour le duel Napoli-Juve. Cette année, avec ce trio qui envoie en plus du jeu et du spectacle, c'est hyper agréable. Donc, je suis plutôt optimiste pour la suite, mais j'aimerais bien que ça se traduise par un gros parcours de la Juve, pourquoi pas, cette année en Champions League, et puis en Europa League, que la Roma et l'Inter arrivent à aller plus loin que les huitièmes ou les quarts. Pour une fois, ce serait sympa. C'est l'heure de se mouiller, un petit pronostic. Mais comme je te dis, franchement, une rencontre très ouverte, à mon avis, même si je sais que Valence, c'est des fois très bien verrouiller les matchs et pas forcément offrir un grand spectacle. L'Atalanta, elle, ça va jouer avec sa culture habituelle. Je te dis qu'ils jouent contre la Juve, qu'ils jouent contre l'Udinese ou contre la Spal, ils envoient du jeu. Donc, je pense que ça va envoyer du jeu mercredi. Et je te mettrai, allez, un petit 2-1 Atalanta mercredi à San Siro. D'accord, on prend note. On prend note de ça. Merci Mathieu pour être venu au podcast. Et puis suivez Calcio Mio, parce que c'est la bien référence sûr. du football italien, et depuis 12 ans. C'est ça, on est sur la toile depuis 12 ans, des centaines de rédacteurs qui sont passés, un grand rédacteur-chef, Valentin Paoluzzi, qui a passé les rênes à François Le Rose depuis quelques années maintenant, et une petite boutique qui tourne bien avec des millions de suiveurs qui se connectent sur le site chaque année. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Voilà, c'est l'exemple à suivre, et on espère que le cousin espagnol... on vous le souhaite, en tout cas. Vous êtes bien parti pour. Ben, j'espère. À la technique, aujourd'hui, il y avait Thomas Galarag, notre basque bondissant. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Furia Champions podcast avec le Barça et le Real Madrid. Allez, hasta luego. Ciao. Adeu. Ciao.